Toujours à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les militaires, les travailleurs de toutes les couches, les jeunes et enfants ont visité les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu. La corbeille de fleurs au nom du maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a été déposée devant les statues des grands leaders. On a déposé les corbeilles de fleurs au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des formations sociales, des ministères et des établissements centraux, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, entreprises, usines, fermes et écoles de tout échelon de la ville de Pyongyang, ainsi que de la succursale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Les visiteurs se sont inclinés devant les statues des grands hommes coréens. Les statues et les portraits en sourire des grands leaders à l'université Kim Il-sung et aux autres endroits de la capitale et dans les provinces ont été fleuris également par les militaires, les travailleurs et les jeunes et enfants.